Islamif. Ouais mon gros, bien ou bien, ouais Islamif. Yes Namur, nique le beat comme une sex machine. Vas-y laisse, j'arrive qu'au s'y blesse la rime. Les rappeurs ne tiennent plus comme la neige d'avril. Je reste assis dans la cave avec un joint de rasta. Je cogite une bonne fille comme un vin d'Alsace. Tout s'entasse sur ma feuille, je peaufine 16 boucles. C'est qu'aussi, qu'aussitôt pour le profil Facebook. La prod est vierge, mec, on vient percer l'hymen. Ok petit frère, tu veux du frais, tu peux checker immerse. Dans le cahier, j'écris trop, j'ai le bras qui torse. Mais t'inquiète, je plante jamais comme un Macintosh. À Serein, c'est la même et tous les jours. C'était mieux à l'époque des Looney Tunes. Et lancé, moi je fais pas demi-tour. Mais ici c'est la fin comme en 2012. Je suis à Liège à mon pote et ma voiture qui est garée sur le parking. J'ai mon couplet sur mon mobile, y'a quasi plus de batterie. Chaque CC est différent, y'a rien à comparer. Moi je préfère être seul que mal accompagné. J'fume des grosses battes et je laisse les bâtards sans voix. J'ouvre c'est dans le standard que tous les cadavres s'entassent. Tu peux compter sur moi, j'ai pas la parole d'un bleu frère. J'traîne là où ça plante pour une carotte de bœuf de mer. Zappez tout le reste car le talent est ici. Préparez-vous mes hommes, balance des missiles. J'voudrais percer donc faudrait pas que j'éclate ma roue. J'bois, j'fume, j'rappe, les crasses écartent et ça de ma route. J'écoute du hip-hop ou des couplets gospel. J'ai une gorge et j'affole pour ceux qui prennent des grosses peines. J'viens Namur, j'ramène des couplets hardcore. On se tue avec des joints ou des bouteilles d'alcool. On a l'art et l'habitude, on a le phrasier qui tue. On arrive, préparez-vous pour un flash d'écriture. On a la rage des pitbulls, on arrache le bitume. Liège Namur, ça fait plaisir comme une tasse péquissus. On a l'art et l'habitude, on a le phrasier qui tue. On arrive, préparez-vous pour un flash d'écriture. On a la rage des pitbulls, on arrache le bitume. Liège Namur, ça fait plaisir comme une tasse péquissus. Notre flash c'est de rapper. Là c'est Liège, Namur. Si tu veux me voir gratter, faudra que tu me lèches la burne. Vas-y, abaisse ta vitre si t'as kiffé le sommort. Dans les rues l'amour se vend et les amis fidèles sont morts. Moi je ne fais pas du rap, déjà que j'adhère à peine. Celle-ci je l'ai placée pour mon pote à Kerabren. J'ai tellement de choses à cracher, dis-moi comment faire. Bref, je donne des frissons dans le cou comme un courant d'air frais. Ok, t'as repéré, là je suis rentré sans frapper. Si tu veux tester au mic, t'auras pas que les dents cassées. Poteau, toujours unique, mais qui va me remplacer. Génération parle mal, vas-y fais vite et vends de la C. Notre enfance gâchée à cause des sentences passées. Y'a pas que du tabac et ça se sent dans le papier. J'vide ma bouteille de Jack, j'ai du mal à y voir clair. Mec, les gens se crachent dessus mais disent qu'ils se respectent. Ah, les gosses d'aujourd'hui, je vous jure. Mais ils ont plus de respect. Sur une prod universelle en rime noir sans vrai calme. Emergenzo, on arrive et les carreaux éclatent. Liège Namur, oui, y'a pas d'arnaque tocard. On arrive et c'est pour mettre la patate vocale. Nous, dans ce qu'on rappe, c'est une putain de rage. Tu grattes un oui tranquille et puis tu t'arraches. Honnête. De temps en temps désenroule, tombé dans le move autour, y'a que des gens louches. Les mots se couchent sur le papier comme les bonhommes sur le pavé. Les gros joies se laissent palper mais les poches ne veulent pas l'être. On te raconte le mal-être des jeunes qui fument la barrette. De Namur à Serein, rien ne change à part l'adresse. À part pour la fraîche, nos yeux ne brillent pas pour grand chose. Les poings se serrent quand on sent un coup de couteau dans le dos. Universales histoires, mec faut régler les comptes. On n'oublie pas d'y voir clair pour faire péter les bombes. On a l'art et l'habitude, on a le phrasier qui tue. On arrive, préparez-vous pour un flash d'écriture. On a la rage des pitbulls, on arrache le bitume. Liège Namur, ça fait plaisir comme une tasse péquissus. On a l'art et l'habitude, on a le phrasier qui tue. On arrive, préparez-vous pour un flash d'écriture. On a la rage des pitbulls, on arrache le bitume. Liège Namur, ça fait plaisir comme une tasse péquissus. Yeah. La famille, la famille, ça dit quoi, immerge, Kossi, le sionneur KNM, Enzo. Ok, c'est de la hurque, je viens, un petit film tout tranquille, ouais. T'as compris, ouais, c'est Namur, Serein.